L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Faubourg des Trois Maisons lance une nouvelle opération pour animer le mois de décembre. Après une rentrée remarquée avec le succès de la roue de la chance, les commerçants du quartier reviennent avec une nouvelle initiative pensée pour encourager les achats locaux pendant la période des fêtes. Joanne Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des commerçants du Faubourg des Trois Maisons. Alors parlez-nous un peu de ce parcours enchanté que vous prévoyez du 6 au 25 décembre. Oui, alors c'est très simple. On a décidé de créer cette animation afin de promouvoir le commerce local. Durant cette période, les clients qui effectueront des achats chez les commerçants partenaires participeront à un tirage au sort pour gagner un gros lot. Un déjeuner pour deux personnes à la maison dans le parc avec les boissons, donc d'une valeur de 250 €. Les modalités sont très simples. Il suffira de faire 4 achats chez 4 commerçants différents, à chaque fois d'un montant minimum de 10 € pour participer au tirage au sort. Cette opération, elle vient après la réussite de la roue de la chance. Oui, c'est ça. C'était vraiment la première grosse animation commerciale qu'on a organisée. C'était au mois de septembre. Et il y a eu vraiment un engouement chez les clients. À cette occasion, on a distribué plus de 300 lots offerts par les commerçants du Faubourg. Donc on a décidé de refaire une opération donc sur cette période des fêtes pour aussi rappeler aux personnes qui sont extérieures au Faubourg. Le Faubourg, c'est un quartier commerçant où on trouve tout type de commerce, des artisans de qualité, avec le conseil. Enfin, voilà, on peut faire des achats de qualité avec de bons conseils sans aller dans les grandes surfaces ou dans les centres commerciaux. Et aussi, gros avantage du Faubourg, il y a un parking avec 2 heures de stationnement gratuit, 140 places, 2 heures de stationnement gratuit, ce qui est devenu rare sur Nancy. Ça peut permettre à des personnes un peu plus éloignées de venir faire leurs courses de Noël en toute simplicité. Oui, voilà, c'est ça. Avec 2 heures de stationnement, on a le temps de faire plusieurs commerçants. Vous avez vraiment plein de métiers différents. Vous pouvez vraiment tout trouver au Faubourg. Hein. On va de torréfacteur, fleuriste, boucher, boulangerie, caviste, fromager, mode, salon de coiffure, et j'en passe, hein, j'en oublie. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, il y a 23 commerces hein, qui participent à cette opération. On le rappelle, donc on fait quoi? On va dans 4 commerçants différents, minimum 10 € d'achat. C'est ça. Chaque commerçant partenaire aura un flyer à sa disposition qui vous tamponnera lors de votre premier achat. Et puis ensuite, vous gardez le flyer, vous le faites tamponner à chaque achat et vous le déposez dans l'urne pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 3 janvier. Et avec, donc, à la clé, un repas gastronomique à la maison dans le parc. Tout à fait, c'est ça, d'une valeur de 250 €. Parfait. Et d'autres idées déjà pour 2026? Alors, on aimerait bien faire de grosses animations sur le mois de septembre. Auparavant, le Faubourg était connu pour sa traditionnelle fête de la Mirabelle. Il y a des projets dans les tiroirs qui devraient se concrétiser, alors pas spécialement portés par l'association des commerçants, mais en collaboration avec l'association Faubourg, en fait. On a une idée de guinguette sur une journée au mois de juillet, et puis donc une grosse fête au Faubourg début septembre. Voilà, un quartier à découvrir ou à redécouvrir. Si on veut suivre un peu l'actualité du quartier? Alors, il y a une page Facebook qui n'est pas gérée par l'association des commerçants, mais qui est gérée par un habitant du quartier qui donne toutes les infos, qui s'appelle Trois Maisons. Tout simplement, parfait. Voilà. Le parcours enchanté, c'est du 6 au 25 décembre. Merci beaucoup, Joanne. Merci à vous. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.